Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 15e jour de la 10e lune de l'an 1131. Vous êtes entré dans ce petit quartier pavillonnaire. Quelques personnes semblent y vivre en communauté, mais ce qui vous intéresse, c'est l'un de ses résidents, Matthew Verneuil, célèbre aliéniste qui semble être déchu aujourd'hui. Il est le témoin manquant de l'accident du jardin suspendu, et toute votre enquête pour l'instant vous mène à lui. Mais pas en tant que coupable. Oh non, il semblerait qu'il y a quelque chose derrière cette histoire, mais quoi? Avez-vous vraiment envisagé toutes les possibilités? Faites-vous vraiment bonne piste quant à ce qui s'est passé? Vous ne saurez le dire. Chacun d'entre vous a encore sa petite version des faits, et seuls les événements d'aujourd'hui nous diront qui avait raison, s'il s'avère que l'un d'entre vous avait raison. Alors que vous saisissez du heurtoir afin de toquer une énième fois sur la porte, voilà plusieurs minutes que personne ne vous répond. Si vous voulez accéder à Matthew Verneuil, il va falloir rentrer là-dedans d'une façon ou d'une autre. Et je vous pose la question, que faites-vous ? Moi qui m'y connais un petit peu en porte et en mécanisme de sécurité, est-ce que je pourrais pas essayer de la crocheter ? Tu peux j'ai totalement. J'ai toujours un peu de matériel sur moi que je peux peut-être piocher à l'intérieur pour. Tout à fait. Parce que malheureusement, forcer une porte comme ça, ça sera un peu compliqué. À peine. Effectivement, disons que comme les portes sont toutes de métal, l'option enfoncée dans l'univers des crimes n'a jamais été envisagée parce que. Votre épaule a tendance à perdre, en fait. Non. C'est la porte contre l'épaule, c'est pas... Donc, pour crocheter, ce sera... Ah, pardon, excuse-moi. Un test de maraude, sachant que tu as le bonus de ton trait habile avec tes mains, parce que ça, je m'en souviens. J'ai demandé. Et je te mets un deuxième bonus pour ta connaissance en anthropomécanologie, même si c'est un jet de maraude pour le crochetage. Donc en gros, t'as okay. Plus 2. Ça me fait donc 10 en total. Ok. Ok, ok. Eh bien, Esther, avec quelques temps devant toi, quelques... Pas quelques minutes non plus, mais quand même une bonne minute entamée. Tu arrives à accrocher cette porte de manière assez simple, sans dire qu'elle n'a pas une très grande sécurité. Et d'ailleurs, c'est même assez déconcertant comment tu penses, enfin quand tu penses au fait que finalement les portes sont assez faciles à crocheter pour toi qui n'est pas forcément, même si tu t'y connais, tu vois, genre t'es pas non plus la personne la plus apte à ça. Et c'est vrai que pour l'instant. C'est plutôt assez aisé, tu dis que vraiment la sécurité n'est pas quelque chose d'aussi évidente qu'elle en a l'air. Quoi qu'il en soit, vous ouvrez cette porte et vous vous trouvez face à un intérieur sans dessus-dessous. Pour vous décrire un peu, c'est une énorme pièce, c'est vrai qu'elle n'a pas été... découpée en plusieurs pièces avec des draps, elle est juste laissée comme telle pour avoir un plus grand espace, vous savez que ça se fait. Et le sol est recouvert, il n'existe pas un seul petit pas, un seul endroit en fait où il n'y a pas d'objet sur le sol. Pour vous décrire un peu qu'est-ce que vous pouvez voir, il y a des vêtements, de la nourriture, divers objets, un gramophone, enfin vraiment tout ce qu'on peut imaginer qui se contient dans une maison et posé sur le sol, posé à gauche, à droite, c'est vraiment un foutoir, pour le dire clairement. Et je vous laisse me dire du coup ce que vous faites. Je vais laisser les autres s'aventurer un peu plus et je pense que j'ai plutôt l'idée de me retourner de là où on vient pour juste au cas où s'il n'y aurait pas quelqu'un qui observerait quelque chose comme ça. Parce qu'a priori, il y a des gens qui veulent le tuer, donc il y a peut-être des gens qui veulent le tuer. Ok, tu vas te mettre à observer ce genre de choses. Ouais. Du coup, Esther, Hugo, sauf contre-indication, vous êtes plutôt désignés pour rentrer à l'intérieur. C'est ça. Ok. Vous... Oui. Ok. Vous rentrez... C'est exact. Pour indiquer, quand je dis qu'il n'y a pas un seul pas, un seul pied, un seul même pouce de sol qui n'est pas recouvert, ce n'est pas une exagération. Vous êtes obligé de marcher sur quelque chose, vous êtes obligé de salir, casser, quoi que ce soit, quelque chose sur votre passage. Donc, l'avancée est quand même assez... compliqué, vous êtes obligé de faire gaffe un peu à sur quoi vous marchez, y compris pour votre propre sécurité. Quand vous rentrez, ce qui est sûr, c'est que du coup, dans cette salle, il n'y a absolument personne. Et absolument pas le moyen de s'y cacher, étant donné qu'elle est assez vide, mis à part tout ce qui a été mis au sol. Il n'y a pas vraiment de meubles, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a même pas les draps pour séparer en plusieurs pièces, donc il n'y a vraiment rien à part tous ces objets au sol. Et je laisse me dire du coup ce que vous faites dans cette pièce. Est-ce qu'il y a des fenêtres ou des sorties qu'aurait pu emprunter quelqu'un pour s'enfuir en nous entendant toquer ? Non. Ça collabore d'ailleurs ce que... Enfin, ça corrobore peut-être, je ne sais plus. Ce que tu avais vu en faisant le tour d'abord de la bâtisse avant de toquer. Ok. Je pense qu'on va fouiller parmi les affaires, voir si il semble y avoir tout le nécessaire de vie au quotidien ou si la personne semble avoir complètement déserté. Ok. Vous allez, enfin du coup, tu, au moins toi, Esther, je ne sais pas ce que fait Hugo, de son côté. Eh bien moi, de mon côté, je vais plutôt m'attarder à regarder son gramophone et voir s'il y a des disques, ce genre de choses, et peut-être voir ce qu'il y a dessus, pour identifier. Tu vas plutôt t'intéresser sur le gramophone, du coup je vais commencer par ça, parce que c'est qu'un seul élément. Il y a un disque actuellement dessus, hein, le gramophone est en état de marche. Et dessus, le disque qui est dessus, c'est un disque de chansons populaires italiennes. Italiennes ? Vénitienne, merci. Populaire. Vous n'avez rien entendu. Populaire, c'est-à-dire... paillard ou... Oui, oui, enfin... c'est dans cet esprit-là. Enfin... Payard, du coup, correspondrait pas totalement, mais c'est dans l'esprit vraiment chanson populaire, tu vois, genre vraiment le côté... pas en termes de popularité, mais en termes plus de classification de musique. Ok, d'accord. De ton côté, Esther, tu vas chercher. Quand tu regardes déjà d'un premier coup d'œil, il y a effectivement de quoi vivre, en tout cas, parce qu'il y a des vêtements, il y a de la nourriture qui a même l'air encore consommable posée ci et là. Donc ta première question de est-ce qu'il y a de quoi vivre dans cette maison, la réponse est oui, même si c'est pas une vie de luxe, hein, mais il y a quand même de quoi y survivre si tu veux y rester. Ok, la personne semble pas être partie, du coup il n'y a pas de raison, genre il n'y a pas quoi que ce soit qui manque qui pourrait me donner l'indication que la personne a déserté son chez-soi. C'est très compliqué à estimer. Vu l'état je sais pas de... Si, par exemple, il y a des brosses à dents dans l'univers des cris, mais est-ce que la salle de bain, s'il y a un équivalent, possède une brosse à dents ? Est-ce qu'il y a des valises qui sembleraient avoir disparu avec un tas de poussière qui manquerait quelque part ? Enfin, tu vois, des choses comme ça. J'essaie vraiment de faire preuve de logique. Alors, des brosses à dents, je sais pas s'il y en a. Par contre, des vêtements, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y a trop peu de vêtements, comme si la personne en avait pris pas mal avec elle? Ou est-ce que, par exemple, il y a plus de sous-vêtements, c'est ça qu'elle prendra peut-être pas tous les vêtements, mais les sous-vêtements, oui. Quelqu'un qui partirait dans la précipitation sera plus à même de pas faire le tri et de juste se foutre dans ses affaires. Ok, ok. Tu vas t'intéresser à ce genre de détails, mais ça va te demander du coup de vraiment fouiller un peu dans... Bah, en profondeur en fait dans tout ça. Parce que c'est-à-dire que comme une fois c'est vraiment un foutoir et qu'il n'y a pas d'autre rangement que ça, bah, ça va te demander du coup de mettre un peu les mains dans tout ça. Tu vas fouiller et... Déjà il y a quelques bonnes idées. Pour la brosse à dents, parce que ça existe dans les crimes, parce que c'est quand même assez vieux comme création, même si c'est pas forcément... Enfin voilà, dans les quartiers pauvres, par exemple, personne n'a de brosse à dents. C'est pas tout le monde en a, mais c'est quand même quelque chose qui existe, et tu peux dépenser quelques pièces pour en avoir. Ça n'a pas le même usage qu'aujourd'hui, mais c'est quand même là. En tout cas, il n'y en a pas. Si au fur de tes recherches, tu n'en as pas vu. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas parce que c'est une personne qui ne l'a pas prise, après, qui en a jamais acheté, sachant que malgré tout on est quand même dans des hauts quartiers. Ou est-ce qu'il n'y en a pas parce que elle est partie avec. Niveau vêtements, c'est un peu la même chose. Il n'y en a pas des tonnes, donc c'est toujours un peu la même question en fait qui revient. Comme c'est vraiment tout en foutoir, tu sais, le manque est plus difficile à jauger, il faut que vraiment tu regardes un peu plus, ok, je trouve tant de haut, tant de bas, etc. Mais pareil, c'est assez faible en termes de quantité, mais t'as toujours la même question derrière, de est-ce que c'est parce que c'est une personne qui en a très peu de base, ou parce que c'est une personne qui s'est servie et qui est partie. Quoi qu'il en soit, il y a autre chose que tu trouves. Hein. Mm-hmm. À divers endroits, vu que t'as fouillé un peu partout pour devoir regarder un peu ce qu'il y a. Il y a plusieurs plaques de cire, en fait. Au début, tu n'y as peut-être pas forcément fait gaffe, parce que voilà, une plaque de cire chez quelqu'un, c'est pas forcément étonnant. Mais t'en as trouvé une deuxième, une troisième, une quatrième, et même une cinquième. Donc bah, évidemment, j'y prête attention pour voir ce qu'il y a dessus. Dessus, il y a un message. Et... c'est vraiment un message pour le coup, pour les 5 tablettes. C'est juste qu'il y a des différences de formulation, mais le message est le même. Il dit la même chose, le fait que ça ne s'arrête pas, que il fait plus la différence, qu'il a besoin d'aide. Il demande à un certain Rufus de l'aider. Mm-hmm. Il dort plus, et que ça fait déjà une teinte qu'il est dans cet état. C'est les idées qui reviennent dans les 5 tablettes, mais c'est vraiment toujours le même message en fond. Un peu comme des brouillons qui seraient écrits avant de trouver la bonne formulation. Ça me dit quelque chose, Rufus ? Il me semble que tu n'as pas rencontré, en tout cas officiellement, une personne qui s'appelle Rufus, donc je ne crois pas. D'accord. Et pendant tout ce temps de recherche, Kornilov, toi qui fais un peu le guet, qui regarde un peu ce qui se passe, tu as repéré quelqu'un. Quelqu'un qui semblait venir en toute innocence et qui, lorsqu'il a croisé ton regard, tu ne sais pas si vos regards se sont réellement croisés ou s'il a juste vu ta silhouette au loin, semble avoir perdu sa motivation à venir. Tu l'as vu faire demi-tour et une minute plus tard, réapparaître. Il semble hésitant. Et pendant tout ce temps de recherche, tu l'as vu un peu hésiter et finalement, actuellement, son moment, il semble s'être décidé et commence à monter les quelques marches qui te séparent de lui. Est-ce que tu réagis d'une certaine façon ou tu le laisses juste monter pour l'instant? Je le laisse monter jusqu'à moi en le regardant de manière très expressive. De manière très expressive, c'est-à-dire? Non, je regarde juste avec mon regard habituel. D'accord. Je l'analyse. Très bien. Et bien, tu vois qu'il monte, il semble ne pas forcément. Il semble, en tout cas, s'il avait des doutes, être passé outre. Et il arrive à ton niveau et d'une voix très rouillée, tu entends te saluer. Bon, bonjour. Bonjour. Eh bien, tu vois qui se tourne vers la porte qui va entrer. Vous êtes des amis. Oui, et vous? Oui, oui, je peux le voir. Il est un peu occupé en ce moment. Je peux lui passer le mot. Non, non, j'aurais besoin de lui parler, vraiment. Je, cela soit ma tenue, je suis prêtre et nous ne passons pas le mot d'une divinité quelconque ainsi. Ok, allez-y, entrez. Tu vois que il te salue de la tête, enfin genre il valide de la tête et enfin il opine de la tête et se dirige tout simplement vers la, l'entrée, enfin vers l'appartement et il rentre à l'intérieur et voit Esther et Hugo en train d'enquêter et surtout la salle totalement vide. Hugo, Esther, vous entendez du coup une voix venant de la porte d'entrée. Excusez-moi, messieurs, dames. Qui êtes-vous ? Je suis frère Kirido. Je viens parler à Mathieu. Il n'est pas là, votre ami m'a dit que oui. Répétez, frère, vous êtes ? Kirido. Où est Mathieu ? Frère Kirido, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous travaillez pour quelle église ? Pour l'église du... Enfin, excusez-moi, vous travaillez, pas vraiment, mais bon, bref. J'ai compris le sens de votre question, j'ai l'habitude. Je viens du culte de l'Aragon. Ça nous dit quelque chose ? Qu'est-ce que je sais sur très ça ? C'est populaire, c'est un culte... qui existe, et là, en fait, la plupart du temps, c'est pas un culte qui existe en ville. En fait, c'est très rare, en fait, d'avoir des paroisses en ville, parce que, en fait, c'est un culte qui est né, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous avez appris, d'ailleurs, dans vos études pour devenir métropolite. C'est un culte, en fait, qui est né des seigneurs traversiers au moment où ils se sont fait virer des premières villes, et en fait, c'est un culte qui promeut, du coup, la vie... sur les traverses avec leur lot de difficultés qu'ils considèrent comme bénignes et qui du coup en veut volontairement aux villes. C'est un peu l'idéologie qu'il y a derrière le Lys Noir, si vous en souvenez, le groupe terroriste que vous avez vite rencontré lors de la première geste. Et c'est un peu la même chose, sauf que eux ne font pas des attentats. En tout cas, pas officiellement, on n'a jamais trouvé la moindre trace d'attentat de leur part. Eux, ils sont juste en mode, il faudrait que les dieux s'accordent à détruire les villes dans un désastre absolu, mais ils ne sont pas en mode, nous amènerons ce désastre absolu. C'est un peu la nuance entre, du coup, le Lys Noir et eux, c'est que eux, c'est vraiment sur un plan religieux. Voilà, c'est un peu ce qu'on sait. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je vais voir... un simple homme de ma paroisse. Vous venez souvent le voir ? Souvent, quand nous avons besoin. Et quand lui-même en a besoin, je suis là pour ça. Et c'est du coup un ami. Et pourquoi vous venez le voir là, aujourd'hui ? Eh bien, pourquoi parce que vous venez vous le voir discuter. Et... aussi prier quoi pour nos dieux. Pourquoi ? Je me rapproche de plus en plus de lui, même de façon à pénétrer dans son intimité, enfin tu vois ce que je veux dire, pour le mettre pour le rendre... En t'approchant, tu vois que c'est un homme, tu me donnerais 40-50 ans, assez ridé malgré tout, mais tu vois que c'est plus un... plus des rides de fatigue, t'as l'impression que d'âge réellement. Et des cheveux bruns très courts et il a ce côté yeux très pleurant quasiment, mais pas forcément de ta présence, hein. T'as l'impression que c'est son état naturel. Il te regarde, il a peur de plus réagir que ça, sinon physiquement de ton approche. Il fait, mais nous venons parler de Dieu comme à chaque fois, c'est ainsi que nous procédons. Il est dans votre paroisse depuis longtemps ? Oh, bon, très bien. Longtemps ? Non, c'est... assez récent, mais cela dépend de ce que vous appelez récent. Avant ou après son renvoi ? Eh bien, quasiment en même temps. Un lien avec son renvoi, du coup ? Non, bien sûr que non. Son renvoi est une malheureuse affaire qui s'est passée dans sa vie professionnelle. Nous n'interférons pas là-dedans. Nous ne sommes pas le culte de la Malachie, non. Et d'après vous, c'était justifié Enfin, est-ce qu'il était aliéné ? Je fais un signe de tête en montrant le reste de son appartement, hein, parce que c'est dégueulasse. Je ne saurais dire. Vous savez, ceci est plus le résultat de son renvoi que de son aliénation, si jamais il en est réellement. Il s'est confié, oui, il a des soucis, mais il s'agit d'un homme qui a encore tout à fait conscience de qui il est. Je trouve que le mot aliéné est bien fort pour ce qu'il est. Mais il se trouve qu'on cherche, nous aussi, du coup. Vous sauriez pas où ailleurs que chez lui il traînerait ? Malheureusement, non. Mes contacts se résument à être ici et à la paroisse. Je ne vois pas d'autre chose. Il y a du monde dans votre paroisse ? Oui. Ma paroisse compte une douzaine. Et où se trouve ? Elle se trouve ici, à Venise. Dans le quartier ? Non, la paroisse n'est pas... Ou plus bas. Non, elle n'est pas à un endroit fixe, c'est une paroisse qui bouge. Cela est question de croyance, mais... Disons que nous mettons en avant une vie plus nomade, donc nous avons une paroisse qui est nomade. Vous êtes un peu des bohémiens, en quelque sorte. Vous-même, vous avez un toit où vivez ? Moi, non. Moi, je vis selon les plus grands sacrifices de notre religion afin de pouvoir être prêtre. Et de fait, je ne loge que là où on m'accueille. Vous avez donc déjà dormi ici ? Peut-être ? Non. Mais pourquoi le cherchez-vous ? C'est nous qui posons la question. Bien. Si vous n'avez pas plus de questions... Vous êtes... Oui ? Vous êtes originaire d'ici, de Venise, ou bien vous venez des principautés d'Olmune, par exemple ? Oh non, je m'appelle Quirinos, je suis vénitien de naissance, oui. Et vous êtes prêtre... Depuis longtemps, enfin... Oui, cela fait maintenant 22 ans. Où est-ce qu'on pourrait vous retrouver, si jamais on a d'autres questions à vous poser ? Un peu n'importe où en ville. Je dois vous admettre que mon mode de vie fait que je ne peux pas vous donner d'adresse précise. Je regarde mes collègues et puis... Bon, si personne d'entre nous n'a d'autres questions, vous pouvez disposer. Mais quittez ces lieux. Si jamais vous avez une quelconque information sur l'emplacement de notre ami commun, vous pouvez nous retrouver ici. Et je lui donne du coup... Enfin, je lui dis... puis j'indique... voilà. Ok. Alors qu'il se tourne pour... Sur une métropole, sauf Cornilov, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc je vais demander à chacun de faire un jet de dés. Un jet de... que je vais tenir secret, parce que... il faut que je vois par rapport à un détail, sachant qu'une personne ici a un bonus, c'est Cornilov. Un bonus de 1. J'ai fait 6. 7. Moi, je vous dis le reste. Okay. Cornilov. Avec bonus, ça fait 8. Ok, vous vous sentez bien. Je regarde juste s'il y a un truc qui peut rentrer, sinon je fais un... Alors qu'il est en train de partir, d'un seul coup, vous réalisez une chose. Il faut dire que c'était un peu compliqué, là, dans l'obscurité de cette pièce, hein, qui n'a pas vraiment d'éclairage, etc. C'est vraiment un... une pièce assez particulière, que lorsqu'il approche de la sortie et donc que le soleil illumine de nouveau son visage, alors qu'il vous salue tout simplement, il vous vient un flash que vous avez déjà vu ce visage. Et vous trois, vous êtes certains, même si vous n'avez pas encore échangé, vous connaissez ce visage. Et toi, Cornilov, même, tu peux t'en souvenir de où tu avais vu ce visage. Puisque c'était au bar du Hurleur, dans la soirée qui était réservée pour fêter la nouvelle... comment on appelle ça ? Le nouveau gain. Ce qu'a gagné un nouvel achat de Oleg. Donc c'était cette soirée-là. Et il était présent. Ah ! Vous le voyez se tourner vers vous et vous saluer en... Messieurs, dames... Au revoir. Et il se tourne. Et s'en va. Attendez ! Revenez ! Je les laisse leur lui courir après, hein, s'ils veulent lui courir après. Ah. Je laisse le bol. Il remonte les quelques marches pour revenir. Enfin, messieurs. Ah non, c'est pas moi qui m'en suis souvenu, donc je peux pas le savoir, ça. J'avoue que j'ai fait 6... Vous avez tous déjà vu ce visage une fois. Il y a qu'une personne qui a fait 10 du coup. Il y a que Cornilov qui sait où ça. Bon bah dans ce cas-là, je vais lui demander est-ce que nous ne sommes pas déjà rencontrés quelque part. Peut-être bien, je vais et viens un peu où je veux. Vous êtes sûr ? Vous ne faites pas partie d'une guilde ou... Je ne sais pas... Je vous prie, je suis... Je suis pieux. Un concert, que sais-je... Une troupe de théâtre ? Si vous ne m'avez pas vu en tant que prêtre, c'est que cela n'était pas moi, désolé. Bon bah, vous pouvez disposer. Tu vois qu'il vous resalue et s'en va. Je crois qu'on a affaire à un faux prêtre. Oui, je pense qu'il travaille pour... pour Oleg. Pour qui ? Oleg. Comment ça ? Oleg. Mon cher ami chauve de la même patrie que moi. On a été à une fête ensemble. Oui, c'est vrai. D'accord. Oui. Eh bien, arrêtons-le. Comment ça, arrêtons-le ? Je pense que... Bah, il nous a menti. S'il n'est pas prêtre. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas fait obstruction à notre enquête. Je vois pas de raison. La vérité, c'est que... Il nous a menti. Oui, il nous a menti. Mais il va continuer à nous mentir. Les gens qui travaillaient avec Oleg sont des gens compétents. Si on veut avoir la vérité... Plus compétent que moi. priori, l'organisation est toujours sur pied. Parce que je ne suis pas encore intéressé. Ce n'est qu'une question de temps. D'accord. Mais si on veut avoir des informations sur ce monsieur et sur ce qu'il faisait là, vu que je suis sûr qu'il n'était pas spécialement là pour l'âme de notre cher monsieur, il vaut mieux aller demander plus haut que lui. Encore. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça me va. On peut voir. Pierre, vous dites que vous connaissez Oleg. On peut aller voir Oleg direct. Il se mettra à parler. Je sais pas si ça marche aussi facilement. Je pense que beaucoup de monde connaît Oleg parmi justement ses rivales. Ils doivent le connaître, ses propres rivaux. Ce sera toujours mieux d'aller demander à quelqu'un, à Sofiane même, du bar. Ça peut être sympa et j'aurai moins de problèmes. Je suis sûr qu'il n'y a pas besoin de se déplacer et d'aller dans cet endroit et qu'il suffit de le rattraper. Oui, disons que vous connaissez Oleg. Non? Écoutez, si vous voulez, on peut essayer. Mais... Oui. Ça mènera à rien. Bon, le temps qu'on parle, il a déjà dû partir bien loin. Ouais, là, il s'est envolé. Eh bien, mon vélocyclette, vite. Je tends le sien. Très bien. Eh bien, Hugo, tu décides de retrouver cet homme. Donc, tu descends les quelques marches. Et du coup, il va falloir me dire comment tu fais. Est-ce que tu... Parce que, en fait, une fois que tu sors un peu du côté un peu résidence, un peu immeuble, comme vous avez vous, où tu vas? Est-ce que tu vas à gauche, en face, tout droit Il est plus là du tout. Il y a eu quand même un peu de parlotte. Hein. Là, il y a quand même eu un peu de discussion. Il marche, quoi. Genre, il avait pas que ça à faire. Donc, il est pas dans ton champ de vision. Après, il est sûrement pas à des kilomètres non plus. Il était... Mais, Bon, là, je... Si ça t'intéresse, il est venu de cette direction. Ça, par contre, c'est bien joué. Parce que Cornilor, c'est d'où il est parti, donc. Ok. Est-ce que Hugo, il va seul, du coup? Oui, je pense. Enfin, on peut suivre, mais il ira lentement, mais à pied, quoi. Tu valides, Cornilor? On fait ça? Ok. Oui. Il va peut-être se faire assassiner, mais oui. Après, officiellement, Cornilov, tu es le seul à savoir, donc c'est pas grave. Non, Esther sait maintenant. S'il doit faire taire les choses, je sais qu'est-ce qu'il me reste à faire. Ok, donc Hugo, tu te mets à rouler et si mes jets font au-dessus de 6, tu es dans la bonne direction. Je peux peut-être faire un jet d'athlétisme. Non, mais c'était de l'aléatoire et bravo. C'était la bonne réaction. Cornilov a bien eu l'œil et. Non. Okay. Il y a eu le jet de chance, point. Tu arrives donc au bout de quelques coups de pédale. Donc, c'est vrai qu'il marche assez vite. Après tout, s'il est vraiment nomade, hein, ça se comprend. Et tu arrives donc assez rapidement de nouveau à son niveau. Hey, vous là, attendez, frère Caïman. Tu vois qu'il se retourne très surpris. Excusez-moi. Oui. Oui, je sais que vous n'êtes pas prêtre et je sais que vous travaillez pour Oleg. Je le connais bien. C'est un bon ami à moi. Pourquoi pourquoi vous êtes-il? Il met son poil. Envoyez ici. Ah. Vous êtes un ami d'Oleg. Ça me dit rien. Oui. Vous appelez comment? Je m'appelle Cornilov. Pardon, désolé. Je m'appelle Cornilov. Je suis moi-même compatriote du Lansk. J'ai quelque peu perdu mon accent à force de vivre ici à Venise, mais... Je suis un très bon ami de la guerre. Est-ce que je peux pas essayer de faire un jet de représentation Et de prendre un accent du Lansk. Oui, bah, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu peux faire un jeu de représentation. Oh incroyable. 17. Eh bien, tu es Kornilov. C'était pas un, un mensonge. Tu es devenu Kornilov. En fait, depuis longtemps, tu préparais ce coup-là. Et bah écoute, Kevo, c'était sympa de jouer avec toi, mais c'est bon, on a un joueur de Kornilov. À la prochaine. De trop. Ok, donc tu es très très convaincant. Enfin, en tout cas, toi, tu te trouves très très convaincant. Ok. Tu vois que, à ces mots, son visage se ferme complètement. Et d'un seul coup, il te chope par le col et en fait, te force en fait à te diriger plutôt vers une petite ruelle que plutôt rester à la vue de tous. J'imagine que c'est le moment où on presse le pas avec Kornilov. Kornilov est déjà sur place. Ok, l'un d'un côté, l'autre de la ruelle. Ouais, pourquoi pas. Ça me va. Ok. Donc pendant que vous voyez ça d'un seul coup, donc lui te prend et te tire, donc ça fait que même tu perds un peu équilibre et forcément le vélo tombe au sol, ce qui n'est pas forcément le plus discret. Ce qui indique déjà que voilà, c'est il cherche pas à être le plus discret dans son action, parce que là les gens l'ont remarqué. Mais en tout cas, il te traîne comme ça vers la petite rue et en fait te colle sur le mur. Je vais demander un petit jet d'athlétisme pour voir votre vitesse de. Votre vitesse d'action pour les deux messires. Enfin, pour du coup Esther et Kornilov. 9. Ok. C'est une réussite. 9 aussi. Ok, c'est une réussite. Donc vous arrivez à interagir. Pile poil en même temps, on arrive chacun d'un côté du mur. Très bien. quand on dit chacun d'un côté, c'est genre chercher à prendre les. Oui, en fait, à fermer la ruelle pour pas qu'ils puissent fuir. C'est ça, en fait, on fait un sandwich avec. Ok. Ok. Hugo, ou plutôt devrais-je dire Kornilov 2, tu vois qu'une fois que. Bah, qu'il t'a ramené dans la ruelle, il te colle au mur, fait je ne passe pas mon temps à crier des inepties pour qu'on vienne. Comme ça, publiquement, et au même moment, du coup, arrive. Qui, en fait, arrive du côté de. Enfin, Esther Kornilov, qui arrive du côté le plus proche, qui peut entendre du coup ce qui se dit, et qui vient de l'autre côté. Kornilov, je pense, c'est lui le plus impressionnant, c'est à lui de faire rentrer en premier. Ok. Ouais. Donc, Esther vient surtout fermer. Donc, toi, Kornilov, tu arrives au même moment. Mm-hmm. Est-ce que tu agis ou est-ce que tu attends? Dis-moi tout. Je fais rien pour cacher ma présence, quoi. Je suis présent physiquement. Mais pour l'instant, je reste silencieux. Tant que Hugo ne se fait pas tabasser, je considère qu'il maîtrise la situation. Bon, moi, je tiens à dire que juste depuis qu'il m'a traîné, j'ai réussi à lui. J'ai lâché un petit. Ah, mais lâchez-moi, je suis le meilleur ami de Oleg. Avec mon pote. Oui. Et du coup, bah. Tourne le visage vers le vrai Kornilov et comprend pas vraiment sa non-réaction et tu vois qu'il se retourne vers toi Hugo et dit la prochaine fois que vous prononcez ce nom en public vous aurez des problèmes. Mais je suis véritablement Kornilov. Bon, c'est pas la peine de continuer. Kornilov, on se calme. Ah. Tu vois qu'il te lâche, Hugo. Toi, Esther, tu es de l'autre côté, hein, tu peux intervenir quand tu veux. Hein, tu. Je lui tire dessus. Non, j'ai. Je me rapproche un peu quand même, hein, évidemment, au fur et à mesure. Ok. Tu vois qu'il vous regarde, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Il y aurait peut-être moyen de trouver un endroit moins. Ah, bah évidemment. Mais dans ce cas-là. On voit l'appart. On peut retourner à l'appartement. Hein. Oui. Un endroit pour boire de la vodka. Bah, du coup, on discutera de ce qu'on a discuté une fois qu'on sera sur place. Bien. Tu vois qu'il commence à marcher en retournant dans la rue et se dirigeant, si vous le suivez très proche, se dirigeant tout seul vers la bonne direction. Ok. Une fois sur les lieux, je vais simplement lui dire j'imagine que vous êtes là pas spécialement pour vous occuper de son âme. Je suis là pour la raison où... Évidemment. Où notre ami commun m'embauche. Vous êtes autorisé à parler du contrat ou est-ce que on doit se... ou est-ce qu'on doit parler à plus haut? Vous savez, dans l'organisation, nous sommes assez grands pour savoir quoi faire, mais moi, je sais pas, j'ai jamais rencontré Scornilov. Alors, il a une bonne réputation, c'est sûr, mais qu'est-ce qui me dit qu'au fond, étant métropolis, je peux vraiment lui faire confiance, hein? Kornilov est un homme de parole et un service rendu sera retourné. Bien. Du coup, on parle en tant qu'hurleur et puis en tant que métropolite. Exactement. Ça vaut pour vous et votre collègue. Oui, tout le monde. Tout le monde sait sauter ici. Ok. Dites-moi ce que vous voulez savoir et je parle. Sans cas de problème, vous aurez pas que moi sur le dos. Une tentative d'attenter à la vie du cher monsieur qui habite ici a provoqué des morts imprévues, des personnes assez importantes. Et en tant que métropolite, nous sommes chargés de régler cette affaire. En tant que hurleur, il serait bien de s'arranger entre nous pour qu'il y ait le moins d'effets secondaires à cette enquête. En effet. Vous voulez savoir quoi exactement ? Vous êtes plusieurs sur ce contrat-là ? Non, je suis seul. D'accord. La poutre qui est tombée du ciel, c'est vous ? Non. Non, justement, c'est ça qui m'a fait revenir. Ça fait une semaine que je suis sur son dos, mais monsieur a des crises de paranoïa et sort jamais seul, ce qui fait qu'il est rarement vulnérable et ça fait un bon moment qu'il met plus le pied dans cet appart, donc... Vous avez une idée de qui ça pourrait être ? La poutre ? L'accident ? Non. Je sais pas. Oui. Vous savez où est-ce que l'homme pourrait loger Doc ici, du coup ? Ouais, j'ai des pistes. Je connais ses deux amis. Faut dire que l'avoir suivi une semaine m'a permis de savoir avec qui il traînait et à qui il fait confiance. Il y a deux noms qui pourront vous être utiles. Un certain Rufus Moore. C'est un... homme du Gloriana, c'est un cuisinier étoilé, il a 28 ans. Il travaille dans un hôtel particulier dans la haute ville. Il aime les voyages et il déteste la neige. Il a passé une soirée avec lui il y a 4 jours. Ce sont de bons amis, même en vrai dire des amants. Pouvez-vous répéter plus lentement ? Pourtant, je n'ai pas un très haut débit, mais... il s'appelle Rufus Moore, il est cuisinier étoilé, il a 28 ans, il vient du Gloriana. Il travaille dans un hôtel particulier de la haute ville. C'est quelqu'un qui aime énormément les voyages et qui déteste la neige. Et il a vu... Enfin, il a passé une soirée, du coup, avec Matthew, il y a 4 jours de ça. Le deuxième nom ? Saba Bint Elanis. Bien entendu, je vous écris ça sur une plaque de cire. Pas du tout parce que ça te laisserait des traces, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Voilà. C'est une érudite qui vient d'Istadie. Elle a 31 ans. C'est une pacifiste qui déteste les armes à feu. Elle aime la lecture. Et ils se sont vus il y a 7, 5, 4 et 3 jours. Vous savez qui a commandité le meurtre ? Ah oui. Non, ce n'est pas moi qui prends les contrats, mais de ce que j'ai compris, semblerait qu'il a énervé pas mal de personnes de sa profession. On a cru comprendre ça aussi. On doit s'adresser à qui, s'il faudrait qu'on trouve un nom ? Ça dépend. Oleg, évidemment, sait tout ce qui se passe, puisque c'est lui qui gère absolument tout. Et sinon, je suis pas sûr. Je ne sais pas qui a signé ce contrat-là. Si vous me laissez réfléchir un peu, je peux peut-être essayer de trouver une piste, mais la mission m'a été donnée par Oleg en personne, donc je ne sais pas qui a été l'intermédiaire. On va s'arranger avec le grand homme, alors. Votre sabbat, là, elle ferait pas partie du fracas ? Non. Fracave ? Non, non, non, c'est une érudite. Elle est tellement pacifiste qu'elle serait... elle est incapable d'avoir la moindre motivation hostile envers qui que ce soit. Oui, mais vous savez... je sais pas si vous les connaissez, mais comme ce sont des pacifistes armés, vous voyez, je me suis dit peut-être... Ouais, mais non. Elle aime pas les armes à feu, ça serait déjà trop violent pour elle. Ce sont les deux personnes avec qui elle a passé... enfin, avec qui il entretient des relations amicales, et ce sont les deux personnes avec qui il a passé tout son temps, ce qui m'a empêché d'agir jusqu'à présent, mais... visiblement, il s'est passé un événement qui fait que là, actuellement, il n'est pas avec eux et donc il est vulnérable. Donc, Je lui montre les tablettes de cire, je lui demande si ça évoque quelque chose de particulier à ses yeux par rapport à sa parano, du coup. Oui, ça confirme ce que je pense. Quelque chose me dit que peut-être refus sera plus de réponses à vous donner. Mais Rufus est un homme assez ingrat et rarement de bonne humeur, il vous parlera sûrement pas, et de ça il est fidèle. Mais je pense que c'est à Rufus qui... va devoir... Vous inquiétez pas, déteste la neige, on va s'occuper de son cas. Vous allez l'emmener en Ordanie, c'est un peu loin. On va le montrer de l'extrader là-bas, ça va se mettre les pieds. Je pense qu'il doit avoir peur de l'éclat aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Très bien, très bien. Non, je pense que ce sera suffisant. Bien. Et du coup, je peux demander pourquoi est-ce que le fameux Kornilov est ici, sur les lieux ? Eh bien, c'est parce que cette mission est de la plus haute importance. Et on m'a affecté, car je suis l'un des meilleurs métropolites de la ville sur cette affaire. Ok. Mais est-ce que les métropolites... Non, c'est juste parce qu'on a... Je plaisantais, c'est juste... car le véritable meilleur métropolite, M. Kliben, c'était quelque peu indisposé en ce moment... Vous voyez, je vais prendre ça en l'air. Certes, mais... moi, la question que je pose surtout, c'est pourquoi des métropolites sont actuellement sur les traces de la personne que je dois assassiner ? Ah, ça, c'est parce que, du coup, on a assassiné quelqu'un à sa place et c'est une diplomate nordanienne. Ça va changer beaucoup de choses. Qu'il va peut-être va falloir remettre en retraite cette affaire, mon ami. Je sais bien que vous êtes payé, mais je pense que ce serait fâcheux que nous tirions dans les pattes. Ça dépend du contrat. Les autres. C'est pas moi qui décide, hein. Ça sera la personne qui qui nous a appelé. Évidemment, j'imagine que ce serait compliqué d'avoir son nom. Comme dit, moi non, je suis pas intermédiaire et Oleg doit savoir. Bon, eh ben on sait où est-ce qu'on va. Eh ben bon courage, parce qu'en plus il est de mauvais poil en ce moment. Génial. Vous connaîtriez un truc qui me ferait particulièrement plaisir ? Moi. Du coup, on vous laisse continuer votre lancée. Et bon courage pour la suite. Merci. Et en espérant que ma collaboration n'amène pas un destin funeste. Il y a peu de chance. Et qui vous salue à nouveau et ouvre la porte et s'en va. Hugo, est-ce que ça t'embêterait d'avoir un peu plus de prestance quand tu es moi ? Eh bien, je pensais avoir établi une bonne composition du personnage, mais vous voyez, au théâtre, personne ne nous brusque de telle manière, donc j'ai été un peu décontenancé, enfin j'ai été décontenancé quelque peu, j'en perds mes mots. Mais oui, à l'avenir, quand j'incarnerai votre personne, je tâcherai de faire preuve de plus de fermeté. Merci beaucoup. Et vous, Esther, comment avez-vous trouvé mon interprétation ? Très fidèle. Il en va de soi. Vous êtes un comédien né. Bon, mis à part... T'es trop de flatterie, tu vas flatterie. Mis à part le fait que Esther, de toute manière, n'y connaît rien dans le domaine, où est-ce que vous voulez aller ? Oleg ou le monsieur dont on connaît l'hôtel où il travaille ? Ou même la femme, je ne sais pas si on a une adresse pour elle, il ne me semble pas. Le monsieur. Je ne l'ai pas fait, mais il vous a donné où les trouver. Avec les trois adresses, vous voulez aller voir ? Oleg, Rufus ou oui, Sam ? Le monsieur. Non. C'est très bien, refuge. On peut faire ça. Ok. Vous quittez cet appartement qui, pour le coup, semble plutôt mauvais. Vous allez pouvoir, du coup, vous diriger vers un hôtel de luxe qui se trouve à une petite heure de vélo de là. Esther, juste, si tu veux bien reverrouiller en partant. Ce sera toujours intéressant de savoir si quelqu'un a ouvert si on repasse. Ça me va, je reverrouille derrière. C'est très malin. Et donc, vous faites votre petite heure de trajet. Si vous avez quelque chose à échanger sur le chemin, sachant qu'encore une fois, le chemin n'est pas très agréable parce que nous sommes toujours en sanguine, il y a toujours des tempêtes, et même si aujourd'hui ce n'est pas un jour de tempête, c'est un jour où il y a quand même beaucoup de vent, où il y a, même quand il ne pleut pas, il pleut quand même un peu. Donc ça reste toujours désagréable en ce moment, les trajets, mais ça fait partie de votre métier, vous faites avec. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez quelque chose à vous échanger sur la route, vous pouvez me le dire maintenant, ou sinon je considère que vous arrivez à destination. Personnellement, j'ai pas d'idée, donc je laisse les autres si jamais... Parfait. Eh bien, nous arrivons à destination. Enfin, du coup, vous arrivez surtout à destination. Un grand hôtel, hein, le genre d'hôtel qui marque plutôt la rétine. Hein. Il y a vraiment une construction assez imposante, très très haute, qui sent vraiment à la fois le grand immeuble qui permet d'accueillir beaucoup de gens, et en même temps qui sent vraiment le luxe. Hein, vraiment, la brique qui est utilisée est vraiment... Enfin bref, c'est direct, ça vient juste d'être construit, et pourtant, vous savez, hein, l'hôtel a forcément déjà quelques années. Lorsque vous rentrez à l'intérieur de cet hôtel, hein, vous rentrez dans ce genre toujours de lieu, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez déjà visité quelques hôtels du genre, hein, c'est notamment lors de votre enquête pour trouver qui était la cible du procedimento il y a quelques temps de ça. C'est le genre d'hôtel où dès que vous rentrez, hein, vraiment la salle d'accueil correspond à un appartement, à un étage même, j'ai envie de dire, d'appartement des bâtisses où vit par exemple Esther. C'est gigantesque, c'est toujours dans des énormes constructions avec des sculptures au milieu, enfin, c'est vraiment très tape à l'œil. Hein. Et ça semble plutôt plaire du coup à la clientèle. Vous arrivez et un homme vient vous accueillir, bien habillé bien entendu, et vous demande « Bonjour ». Que puis-je pour vous ? Bonjour. Nous venons voir Monsieur Moore, Rufus de son prénom. Très bien, c'est une visite officielle. Exact. Très bien. Eh bien, si messieurs... veulent bien attendre, je vais de ce pas chercher Monsieur Moore. Nous attendons. Vous voyez qu'il tourne les talons et se dirige vers la cuisine. Enfin, vers une salle que vous supposez être la cuisine, puisqu'il est cuisiné. Quelques minutes plus tard, il sort un homme. Un homme qui... Dès qu'il arrive, vous donne vraiment cette aura de personne plutôt négative. Il a, pour vous le décrire un peu, des cheveux bruns qui sont un peu gominés vers l'arrière et un front assez proéminent et surtout un air en colère, comme s'il était déjà fatigué d'avoir conversé avec vous alors qu'il ne vous a même pas encore salué. Et d'ailleurs, justement, lorsqu'il arrive à votre niveau... Bonjour. Bonjour, Monsieur Moore. Ouais. On vient vous parler de votre compagnon Mathieu Vernet. Ouais, c'est pourquoi ? Je n'ai pas au courant. Vas-y, il a disparu. Non, pas au courant de... Disparu quand, quoi ? Il a l'air sincère ou pas dans ses expressions et dans sa manière de parler ? C'est une bonne question, tu peux faire un test de traumatologie un peu pour voir. Je suis pas sûr que ce soit le bon jet, mais tant pis. Et le résultat est donc de 8 plus 2, 10. C'est compliqué, il a pas vraiment l'air sincère, pour ainsi dire, mais c'est compliqué, il a l'air d'être sur le fil, tu vois, genre tu sens que s'il devait réagir sincèrement, il jouerait pas comme ça, enfin genre il serait pas du tout comme ça, mais d'un autre côté, soit il joue bien... mais pas parfaitement bien, parce qu'il y a quand même un truc qui t'évoque, tu vois, genre il y a sentiment vraiment sur le fil, quoi, c'est... En tout cas, ouais, t'as quand même des doutes. Ça, tout ça, ça te fait quand même plus douter qu'autre chose, mais c'est pas non plus catégorique. Ok. Dans ce cas, je vais faire le tour du bâtiment, voir si elle peut sortir arrière ou autre. Il pourrait le planquer, l'autre pourrait essayer de se tirer comme d'hab. Alors après, c'est pour faire le tour du bâtiment, t'es sur un bâtiment gigantesque, officiel, donc avec forcément plein de sorties de secours, et à plusieurs étages. Donc, Est-ce qu'il y a des escaliers de service, des choses comme ça dans les crimes ? Ça dépend d'où, ça dépend des structures. C'est assez rare à Venise, mais ça existe, on a déjà croisé quelques-uns. Parce que c'est pas vraiment resté dans la culture vénitienne, c'est souvent importé d'autres, mais c'est très mal vu, en tout cas chez les riches, donc les grands bâtiments comme ça n'ont pas, la plupart du temps c'est vraiment, tout est interne, quoi, y a rien à l'extérieur. C'est mal vu, et j'espère qu'il n'y a pas souvent d'incendie. Mais du coup je vais faire le tour quand même. On avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'incendies dans les crimes que dans un univers comme le nôtre où il y a du bois. Mais du coup, ouais, je vais faire un petit tour et puis voir aussi s'il n'y aura pas, enfin, je sais pas quoi, des vitres ou autre. Voir si déjà je vois des silhouettes au carreau, des choses comme ça. Et puis je reviendrai un peu après, il m'a l'air soupçonneux cet homme. Bah, après, encore une fois, pour le coup, ta recherche me semble vraiment pour le coup un peu bizarre parce que t'es vraiment dans un bâtiment public où il y a plein de gens, donc il y aura forcément des silhouettes au carreau, il y aura forcément des... Oui, mais je peux cibler celle derrière laquelle il se trouve, tu vois ce que je veux dire, non? Mais il se trouve où, quoi? J'ai pas compris, désolé, c'est moi, hein, mais... Là, derrière lui. Ah oui, genre, oui, d'accord, ok, dans l'alentour direct, voir si quelqu'un surveille. Ouais, des choses comme ça, par exemple. Ok, ouais, ok, ok. Ou si quelqu'un se cache, aussi, par exemple. Ou si quelqu'un de partir... Oui, ok, ouais, c'est dans, vraiment dans le truc direct, au cas où quelqu'un sera en train de... Ok. Ça, on sait jamais... Vu que l'autre, a priori, a pas l'air de vouloir rester tout seul, si jamais il est bien planté son ami, enfin son amant, a priori, il y a de fortes chances qu'ils soient ensemble. Donc, il y a de fortes chances qu'ils soient dans les parages si jamais il le planque. Ouais, ouais, non, mais ok, c'est bon, j'ai compris, c'est moi. Ok, ok, parfait. Du coup, pour l'instant, tu surveilles ça. Je laisse un peu les autres continuer et je te dis si tu as des résultats. Ok. Moi, je vais continuer la discussion, du coup, pour l'instant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Oui, il a disparu depuis ce matin. Quelqu'un veut attenter à sa vie. Ah bon? Oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. J'étais pas au courant. Toute évidence, oui. Je l'ai pas vu depuis quelques jours. Je savais pas. Vous êtes sûr que vous l'avez pas vu? Ouais, ouais. Je sais encore. Hein. Si vous venez voir, c'est vous savez. Lui et moi, on... Oui. On sort ensemble et... Enfin, c'est une relation libre, à vrai dire. Nous ne passons pas notre vie ensemble, mais... nous avons quand même un fort lien émotionnel et lui et moi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 3 jours. Il est facile à vivre. J'ai pas vraiment envie de m'étendre publiquement là-dessus, mais c'est pas. Eh bien, vous allez devoir le faire. Nous sommes métropolites. Vous allez répondre à nos questions. Je vois pas ce que ça peut aider à votre enquête. Je peux le dire, c'est que moi, ça se passe bien, mais c'est pas évident pour tout le monde, je pense. Si vous voulez que ça ne se complique pas, répondez à nos questions. Sinon, nous irons ensemble au ministère et nous verrons si jamais vous là-bas, vous êtes un peu plus. Moi, ça se passe bien. Opératif. Mmh. Fais en sorte que ça se passe bien entre nous. Tu peux continuer. Je suis un peu stressé en ce moment, un peu angoissé, plutôt, je dirais. Oui, mais c'est de nature, de toute façon. Vous avez vu son appartement? Non. Je l'ai pas chez lui. Je vis dans une meilleure situation, donc lorsque nous voyons, c'est chez moi. Ah bon? Vous ne le voyez jamais chez lui? Non, c'est lui qui vient chez moi. Il a les clés de chez vous? Non. On devrait, d'ailleurs. Depuis le temps. Ça aurait été phrasé quand même. Là maintenant, si je fais une descente avec une dizaine de gendarmes chez vous, je vais pas le retrouver? Non, clairement pas. Il est mieux caché que ça, alors. Je sais pas, je... D'accord. Vous pensez qu'il se cache? Oui, c'est pas comme si on avait attenté à sa vie plusieurs fois, c'est vrai que... Mais qui a attenté à sa vie? Je ne sais pas. Vous le savez pas, mon ami, il vous en a pas parlé. C'est étrange. Je vous dis, c'est vu il y a 3 jours de ça, et mis à part que c'était un peu compliqué en ce moment, non, personne n'avait tenté d'atteindre sa vie. C'est rapide. Un peu compliqué. Un peu compliqué, vous savez ce que c'est, la dépression, la fatigue. Je veux dire, on l'a traité d'aliéné, et finalement c'est son renvoi qui l'aliène plus qu'autre chose. Hein. Oui, mais enfin... Il vous a... Vous savez, nous avons retrouvé les plaques qu'il vous écrit. C'est quand même un certain stade, là. Pas reçu de plaques, de quoi parlez-vous? Les plaques de cire. Je vois pas. Ah, il ne vous les envoie même pas. Il écrit des plaques avec votre nom dessus et... Plusieurs plaques ? Pourquoi ? Bah, je veux dire, s'il veut me dire quelque chose, on se voit. Je vois pas pourquoi il écrirait. Vous ne savez pas lire ? Moi, si, et encore pas très bien, à vrai dire. Je suis cuisinier, je suis pas... D'autres questions ou j'ai un service sur le feu si jamais. Vous pouvez y aller après cette question qui est qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à cette affaire justement de se faire accuser d'aliéné? Il y avait des raisons personnelles derrière ces accusations? Des problèmes avec des collègues? Qu'est-ce qui a poussé à son accuse? Bah évidemment, ça fait changer comment ils appellent ça. Enfin, vous savez, c'était une réunion d'aliénis. C'était pour discuter d'un dossier. Il y avait eu je sais pas comment ils appellent ça, mais un truc qui fait que quand quelqu'un est pas d'accord avec un jugement rendu sur un dossier, ils peuvent se retrouver et faire une sorte de tribunal, mais entre aliénis, quoi. Et donc, lui, il était. Enfin, on l'a remis en question son jugement et l'accusation, ce mec-là. Il a gagné le procès au moment où il a révélé qu'il était malade. C'est juste opportuniste. Ça a joué sur une faiblesse qui n'a rien à voir avec le dossier et ça a permis de tout boucler. Vous savez sur quoi était le dossier ? Non, je sais plus. Je sais, c'était une histoire. Je crois que c'était une gamine. Mais je m'en souviens plus. En gros, je sais juste que lui avait dit que la gamine n'était pas aliénée et que. C'était rien de grave, il fallait juste surveiller, mais qu'il n'y avait pas de quoi agir là immédiatement, et ça n'a pas plu. Mais je sais plus trop des détails, je suis désolé. Pas plu à qui ? Qui était la personne qui a révélé ? C'était un... J'en sais rien, moi. C'était un enfoiré, tout ce que je sais. Enfin, excusez-moi. Mais non, moi je enfin moi j'y étais pas, je suis pas dans ce milieu-là, je sais pas son nom, je sais juste c'était un autre, c'était un collègue et que il considérait lui que c'était grave ce qui se passait, enfin je sais pas. Bon, je pense que vous êtes libre d'aller reprendre vos plats brûlés. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même une équipe qui fait attention, mais merci. Et si vous avez des nouvelles, sûrement pas votre rôle, mais si vous pouvez faire tourner l'information par un moyen ou d'une autre. Vous serez au courant de sa survie. Tu vois qu'il se tourne et s'en va. De ton côté, toi, Esther, qui a bien surveillé tout ce qui se passait, il y avait du mouvement, mais t'as rien remarqué de spécial. En tout cas, même parmi les gens, tu as fait gaffe pour moi à ce détail-là, mais il y avait personne qui correspondait à la description que vous avez de Mathieu. Je pense que tu l'avais quand même en tête au moment de faire gaffe quand même à ce qui se passe. Donc, en tout cas, rien de particulier, même pas de, tu vois, genre de personne qui serait à surveiller, comme tu disais, peut-être à une fenêtre, un truc comme ça, genre voir un peu ce qui se passe. C'était... ça a l'air tout à fait normal pour le moment. Ok. Oui, je m'y attendais. Bon, au moins, c'est fait. Ok, bah, c'est pas grave. Et puis, voilà. Et bah, attends. Bien, je vous laisse discuter, me dire ce que vous voulez faire. Dites-moi tout. qui on va voir? Entre, je rappelle, Saba et Oleg. Moi, j'aime bien voir Oleg quand même. Mais. C'est vrai, genre, de moment, on aimerait bien se séparer en deux équipes de deux, mais vu qu'on est trois, il vaut mieux qu'on reste paquet. Du coup. Ouais. Limite, on peut aller au plus proche. Non. Mais Saba, c'est bien. Au pire, on peut laisser. Enfin, Oleg, c'est pas très important. Je propose qu'on aille voir Saba, et puis. C'est très bien. En feu. On y va ? En route, on prend les vélos, on va chez Saba. Ok. Très bien, vous prenez les vélos et vous allez vous rendre chez Saba, qui ne se trouve pas très loin de là où vous êtes. Quoi qu'il en soit, quelques minutes plus tard, vous arrivez tout simplement à... un petit baraquement dans lequel il y a plusieurs maisons, ce genre de choses. C'est des baraquements qui dénotent un peu d'ailleurs avec l'environnement, parce que vous êtes plutôt dans de la haute ville, donc plutôt des belles constructions, des belles choses comme ça. Et là, plutôt à l'inverse, c'est des genres de baraquements que vous pourrez trouver en basse ville, voire pour exagérer un peu en très basse ville. Là où, par exemple, Esther, tu vas rencontrer tes amis la nuit tombée. Bref, vous avez du coup à ce niveau de baraquement et vous savez que c'est la deuxième sur les trois. Quand vous toquez, c'est une femme qui vient vous ouvrir. Et vous savez que les baraquements, généralement, c'est plusieurs personnes hein, qui vivent ensemble, donc vous le savez de base, je vous le dis en amont, si vous voulez parler tranquillement avec elle, il faudra d'abord l'isoler du baraquement, parce que généralement, il y a quand même quelques personnes qui traînent par là, parce que c'est comme une colocation, quoi. Elle ouvre la porte et, tout simplement, très souriante, vous regarde, fait... des métropoles... Bonjour, je... Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, vous cherchez quelqu'un d'ici, je suppose. Oui, on cherche Savamint Alanis. Ah bah, c'est moi, enchanté. Ouais, mais doublement enchanté. Vous n'êtes pas d'ici ? Pardon ? Je n'ai pas entendu la question. Pardon, vous n'êtes pas d'ici ? Oh, non, je suis... Je suis nomade, je viens d'Istanie et en tant qu'érudite, c'est mon devoir de parcourir les villes et récupérer du savoir. Très bien. Et bien, enchanté. Eh bien, tout de même, je voulais parler peut-être en privé, on peut s'éloigner un peu si vous voulez, je ne sais pas. Tu seras plus confortable. Ok. Vous voyez que elle ferme la porte derrière elle et puis vous emmène un peu plus loin, là où du coup il y a moins de passage, une espèce de petit jardin artificiel qui est créé pour l'ébarquement, avec là où on fait pousser aussi des choses dans des serres. Bien que vaut la visite de Métropolis, je dois avouer que c'est la première fois que j'en rencontre, alors. Eh bien, on fera du mieux pour que cette expérience soit la plus appréciable possible. Nous venons pour discuter de Mathieu Verneuil, un ami que vous avez, il semblerait. Oui, tout à fait. Qui semble avoir disparu aujourd'hui après une tentative d'assassinat sur sa personne. Oh, oula, j'étais pas du tout au courant, c'est grave, un assassinat, vous savez qui ? Quoi ? C'est ce que nous cherchons, Justin. Ah. Et lui, aussi. Bien, je dois avouer que je sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous avez besoin de... Enfin, je sais pas comment vous aider. Vous ne l'avez pas vu ou pas caché aujourd'hui ? Non. La dernière fois que je l'ai vu, c'était peut-être il y a... 3 jours, je dirais, mais... Vous en êtes certaine, vous savez, si nous sommes là, ce n'est pas par hasard. Les gens qui sont après lui semblent être très déterminés. Non, mais si vous savez, je l'ai vu il y a 3 jours, on a échangé dans un petit bar qui se trouve, vous savez, au niveau du jardin suspendu. C'est un peu loin pour moi, mais ça lui fait du bien, donc... Ouais. Je l'ai il pas vu depuis. Non. Dans quel état était-il la dernière fois ? Je sais pas si vous êtes au courant, mais plutôt mal. Il a pas mal de difficultés dans sa vie en ce moment. Oui, ça nous sommes au courant. Des regards par-dessus l'épaule, des inquiétudes dans la rue peut-être ? Je sais pas. Un regard fixé sur l'entrée du bar quand vous étiez ? Non, je. C'était pas. Ça se ressemblait pas vraiment à ce genre de comportement. Non, il était plus. C'est comme vide, comme une coquille, vous voyez. Genre, il était là, ça va être là. Alors, moi, j'essaie de l'aider. Vous savez, de ce que je sais, moi, je le connais depuis pas si longtemps que ça. Vous savez, je suis arrivé à Venise. Il y a seulement 3 teintes de ça. Il a des espèces de visions, hallucinations qui se mélangent au réel et ce qui fait qu'il a un peu du mal des fois à discerner ce qui se passe vraiment ou pas. Mais disons je suis pas à sa place. Je me souviens de cette semaine où il s'est mis à paniquer d'un seul coup à table parce qu'il a cru voir quelque chose tombé, j'ai pas très bien compris. En fait, ce que je sais, c'est que avant son renvoi, c'était quelque chose qui semblait maîtriser, savoir ignorer, et je crois que depuis, elles prennent de plus en plus la place et ça le rend très malade. Hein. J'essaie de le convaincre d'aller voir un aliéniste, mais ça le met dans des états pas possibles. Je suis désolé, je suis peut-être pas d'une grande aide. Vous avez peut-être besoin de quoi que ce soit. Je peux même vous aider, vous savez. Vous connaissez un endroit autre que chez lui ou le bar où il traînerait ? Oui, chez son amant. Il s'appelle. Oui. D'accord. Nous connaissons déjà. Excusez-moi. Oui, c'est chez son amant, mais sinon il sort pas énormément. Enfin, il ne sort plus vraiment. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ? Il y a 3 jours. Dans quelles circonstances vous êtes-vous quitté ? Avait-il l'air différent de d'habitude ? Pas depuis cette dernière lune. Hein, fatigué, vide. Et rien de plus que... Non, rien de plus à ce moment-là. C'est même étonnant qu'on essaie de... Attends, savez-vous, vous pensez que c'est un lien avec... avec son métier ? Enfin, avec son ancien métier. Possible. Wow. Je sais pas. J'aimerais vous aider plus, mais vraiment. Avant que vous veniez m'en parler, j'avais aucune idée qu'il y avait tout ça. Il me parlait que de ses problèmes sentimentaux, ses problèmes. À l'intérieur de lui, pas de ce genre de choses. Je savais pas que, mon Dieu, je Après, si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi, je veux bien vous aider, vous savez, mais... Je sais pas quoi vous dire. Je pense pas que vous puissiez nous aider plus que ça pour le moment. Ok, je... Bon reste de journée. Bien, merci à vous aussi et j'espère que vous arriverez à faire en sorte qu'il lui arrive rien de mal. Ce sera fait. Moi, je m'en vais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses ou est-ce que vous suivez Kornilov? Non, je suis Kornilov. Parfait. Eh bien, vous suivez Kornilov et du coup, je vais laisser Kornilov poser la même question que d'habitude. Avec ce que vous avez, est-ce que vous avancez? Est-ce que vous décidez d'aller voir quelqu'un d'autre? Dites-moi un peu ce qu'il en est. Eh bien, Oleg, on avait parlé d'aller le voir, même si Hugo semblait pas forcément extrêmement partant. Nos pistes sont assez courtes, a priori. Peut-être que chercher celui qui veut du mal à Monsieur Verneuil sera plus intéressant que de chercher ceux qui leur veulent du bien. Ok. Ok. Eh bien, vous allez vous rendre, du coup, chez Oleg. Cependant, malheureusement, vu l'heure, hein, déjà, vous n'y arriverez pas le 15, mais bien le 16. Hein, il vous faudra prendre une nuit, vous reposer sur le chemin. Mais je vais éclipser un peu tout ça. Mais déjà, pour vous prévenir, il va vous falloir faire une halte sur votre trajet, vous prendre une auberge, comme d'habitude, et y passer une nuit, profiter pour vous manger quelque chose d'un peu plus différent que les mousses de Kornilov. Hein. Et tout simplement vous rendre en basse ville. Vous arrivez en basse ville en ce début de matinée du coup du 16e jour de la deuxième lune de Sanguine. La distillerie est un peu plus gardée que d'habitude. Là où il y a un homme, deux hommes assis, là aujourd'hui il y en a quatre qui sont activement en train de surveiller, au point de même vous arrêter avant de reconnaître Kornilov et de vous laisser passer malgré tout. Parmi ces quatre hommes, il y en a un qui va quand même vous suivre jusqu'à la porte d'Oleg. Bien sûr, il précise hein, sur le trajet, c'est pour... c'est formel, hein, ce n'est pas un doute, mais voilà, c'est... On le paye pour ça, donc il le fait. Vous arrivez à la porte d'Oleg et vous pouvez donc toquer, puis rentrer. Quand vous rentrez, Oleg est vraiment dans ses pensées. C'est-à-dire que quand vous rentrez littéralement dans la pièce, il y a quelques secondes dans lesquelles il ne réagit pas à votre présence. Et il va falloir vous faire un petit bruit, un petit geste vraiment brusque, histoire que... de la ramener un peu à la réalité et pouvoir faire en sorte qu'il fait attention à vous. Quand ça arrive, il lève les yeux et fait « Excusez-moi, je... » « Kornilov, assis-toi donc. » Et vous aussi, bien entendu. Les temps sont durs ? Oui, on peut dire ça, les temps sont durs. On a des... Enfin... Ils sont quand même assez joyeux, les temps. Disons que financièrement, tout va bien, mais on commence à avoir des contrats qui commencent vraiment à peser et c'est compliqué à gérer. Je vois. Bon, que me vaut ta visite ? Justement, je viens parler de contrat. Un contrat qui a l'air d'être en cours, a priori. Ouais. Tu sais dans quoi je travaille. Des fois, ça m'amène à mettre le nez dans les affaires de certains. Et malheureusement, ça m'a amené dans ces affaires-là. Alors, je viens de voir, évidemment. Ok. Se passe quoi? Vous avez chopé un de mes gars? Non, on l'a laissé repartir. On est sur Mathieu Verneuil. Si ça te dit quelque chose. Un aliéniste, enfin ancien aliéniste, qui devrait être assassiné parce que... Ah, ouais. Ouais, ouais. Je vois, oui. Voilà. Il se trouve que il n'y a pas seulement un Tega sur l'affaire, a priori il y en a d'autres qui font un boulot sacrément sale. D'autres? On ne sait pas encore qui, mais en tentant de le tuer, ils ont tué d'autres personnes beaucoup plus importantes. Ok. Doucement, doucement avec les informations là. Ouais. Et donc. Donc on doit mettre du. On doit mettre de l'ordre dans toutes ces affaires. Ouais. Et on aimerait savoir qui a commandité son assassinat. Pour savoir s'il a contacté d'autres personnes, par exemple. Peut-être qu'il fait pas assez confiance. Alors. À Rodin. Ok. Bon, d'habitude, je fais pas ça, mais bon, je te fais confiance et de toute façon, on dira que ça rajoute un service sur ma note. Enfin, plutôt sur la tienne de note, mais vis-à-vis de moi. Ouais, commanditaire, c'était une certaine Claudia Jacobs, c'est la maître des loges, la maître de la loge des aliénistes. Hmm. Cornilo, si elle a commandé d'autres gens, je veux leur nom. Se vois-tu quand généralement on a un monopole sur une ville, on n'est pas censé pouvoir commander d'autres gens. Évidemment. On va voir de ce qu'il en retourne, mais... manquait plus que ça. Tiens-moi au courant. Tu seras au courant. Merci. Bon, je vais te laisser travailler vu que tu es débordé. Tu vois qu'il opine de la tête et... répond même pas vocalement. Bon, je me lève et on s'en va. Vous sortez de là. L'homme qui vous avait suivi vous attendait à l'extérieur de la pièce et vous re-ramène du coup au niveau de la sortie et vous salue au moment de partir. Et voilà donc à l'extérieur dans les rues de la basse ville. Je vous laisse vous les en débrief et toujours la même chose, me dire si vous comptez faire autre chose avec les nouvelles informations que vous avez, etc. Non, etc. T'as dit quelque chose, Esther? Je t'ai pas entendu. Oui, je disais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'on va être obligé d'aller revoir Madame Jacobs et de lui montrer clairement qu'on sait. Et qu'on veut en savoir plus. Et que cette fois-ci, on repartira pas avec un gentil au revoir. Effectivement. Ça s'intéresse. Oh. Est-ce que je vais chercher les chenilles? Des quoi? Des chenilles. C'est... Les quoi? Est-ce que je vais chercher les chenilles? Ah voilà. Ok, oui, ok, les chaînes. Des chaînes. J'ai peur qu'on puisse pas la traîner hors de son bureau sans le remarquer. Mais bon, la dernière fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte qu'il suffisait de poser quelques questions bien placées avant, alors on peut peut-être tenter la méthode douce. Oui. Mais l'idée est allèche. Et. Oui. C'est vous qui voyez. Eh ben, en route. Eh bien, vous partez en route. Il va vous falloir pas mal de temps hein, pour traverser du coup la basse ville et remonter au niveau de la haute ville. Mais au moins, vous n'êtes pas venu pour rien. Après, du coup, quelques heures de trajet, vous arrivez là-bas en milieu, presque fin de l'après-midi. Donc environ l'équivalent d'un 16h, disons. Et vous arrivez du coup au fameux quartier Gila Kaufman, qui est le fameux quartier dans lequel, vous savez, il y a tous ces trois loges particulières, enfin c'est quatre d'ailleurs même, loges particulières. Et vous rendez directement du coup au niveau du loge de l'aliénisme, histoire de voir sa maîtresse Jacob. Quand vous arrivez, hein, vous demandez de la voir et rapidement on vous donne le rendez-vous, on demande d'attendre 5-10 minutes et elle vous sera disponible. 5 minutes plus tard, on vient vous chercher et on vous fait du coup traverser toute la loge hein, pour arriver enfin à son bureau. Vous rentrez dans la pièce, elle vous salue. Bonjour. Vous avez des nouvelles ? Oui, et de sacrées nouvelles. Mmh. Vas-y, Steph. Non, vas-y. D'accord. Il se trouve que nous savons, a priori, qui en veut à la vie de votre ancien collègue. Mmh. Eh bien. Eh bien. J'apprécie l'idée qu'on veuille du travail bien fait, mais aller voir des amateurs, c'est assez mal pensé. Je comprends pas votre sous-entendu, là. Mon sous-entendu, c'est que vous avez fait confiance à des gens de très piètre expertise et qu'ils ont amené sur vous le fait d'être coupable du meurtre d'une diplomate. Oh, attendez. J'ai rien à voir là-dedans, moi, personnellement. Mm-hmm. Juste rien. Faites votre piste, désolé. On peut s'aider, vous savez. Je vous parle seulement de ceux qui ne valent pas le coup. Tu vois qu'elle s'est approchée, mais répond pas. Elle te fixe un peu, laisse quelques secondes de silence. Est-ce que vous en profitez pour redire quelque chose ou vous laissez le silence s'installer ? On peut laisser le silence s'installer. Mais ça doit être une pression avec des regards assez fixes sur sa personne. Le silence s'installe. Et les pieds qui tapotent contre le sol. Avec le pied qui tapote contre le sol. Vous voyez, prendre une grande inspiration, une grande expiration, et dire « Je sais pas quoi vous dire, mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression que vous faites fausse route. » Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Étayez votre propos. Eh bien, je ne comprends pas un traître mot de ce à quoi vous voulez faire référence. Vous voulez pas savoir comment a fini la dernière personne qui nous a dit ça? Je le dis vraiment, hein, je le dis vraiment. Écoutez. Je sais pas à quel point... Qu'est-ce que vous savez concrètement Nous savons que... Quelqu'un de votre établissement, potentiellement quelqu'un qui est dans cette pièce, sans vouloir vous accuser directement vu que vous n'appréciez pas... a bien envie de voir Monsieur Verneuil disparu et que plusieurs contrats ont été menés et que un de ces contrats, sûrement celui avec les gens les moins compétents, c'est ça. C'est là où je comprends pas de quoi vous parlez. Visiblement, bon, vous m'avez coincé, donc je vais pas vous mentir. Oh putain, je sais. Ok, c'est bon, j'ai passé contrat, effectivement, mais je comprends pas cette histoire de plusieurs contrats. Ouais, ils sont plusieurs à vouloir sa peau. C'est des commanditaires différents à chaque fois. Il est vraiment pas aimé ce type. D'accord. Alors, en vrai, je sais pas si j'ai le droit de refaire le test, mais j'ai l'impression qu'elle a l'air sincère sur ce propos-là. De toute façon, ce serait bizarre de se mouiller à moitié en mode oui, j'ai commandité le meurtre, mais pas celui-ci. Genre. Ouais, alors, honnêtement, même sans test, je te l'accorde parce que. Oui, effectivement, ta logique est bonne aussi. Ça serait très bizarre de se dire ok, j'avoue, mais 50%. Elle est la même, quoi, donc autant que j'avoue. Donc, oui, non, mais même, ouais, même sans gel, je t'autorise, tu sens que, ouais, là, c'est. Elle a fait 4 sur ta. Même si elle garde ce côté très froid et très direct, tu sens que, oui, elle reste. Oh là, c'est terrible. je suis désolé, je pense. Je sais pas déjà la répercussion de tout ça, mais. Les répercussions sont oubliables. Nous avons des amis en commun. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui n'apprécierait pas aussi Monsieur Verneuil au point de passer par les mêmes moyens que vous? Qui l'aimerait au moins dans vous. Les gens qui ne l'aiment pas. Vous avez absolument tous les gens qui sont actuellement dans cette loge, mais non, c'est mon métier d'habitude de faire en sorte d'éliminer les éléments qui causent problème à notre réputation, mais non, normalement personne d'autre s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement, enfin, je veux dire, vous comprenez que là, nous nous retrouvons avec un problème, un incident diplomatique. Mais peut-être, bien sûr, je ne l'espère pas, et ce serait très peu probable, mais une guerre. Je. Peut-être à l'issue de ce qui vient de se passer, vous comprenez? Et. Pour l'histoire, expliquez-moi. Je comprends. C'est là où je comprends pas, enfin, genre. J'ai même eu confirmation après votre visite, mais. La personne que j'ai engagée n'a pas agi. Ça ne vient pas de nous et ce qui s'est, enfin, il a mis un déshonneur énorme sur notre loge, sur notre métier, sur notre savoir, sur absolument tout ça et nous avons dû réagir. Mais ça devait juste être une personne qui disparaît. Et excusez-moi, je ne veux pas vous insulter, mais parmi tant d'autres. Il y a plein de gens qui disparaissent tous les jours et on devait juste faire en sorte que... Enfin, dans mon contrat, et puisque visiblement, il y a un ami commun dans cette histoire, vous pouvez demander, il y a la mention que ça a l'air d'être naturel, hein, qu'il n'y a pas de... Je comprends pas toutes les répercussions que ça a, comment ça a pu finir là-dedans, Ouais. Qui était le rival de Monsieur Verneuil, celui sur lequel la dame. Ottavio. Merci. Ouais. Ottavio qui? Ottavio Fiorucci, c'est un aliéniste reconnu et qui je ne pense pas qu'il soit capable de faire ce dont vous parlez. Mais c'est lui qui a révélé au grand jour ce qu'il en est pour Mathieu. Je vois. Ça ne vous embête pas si on va discuter avec lui à l'abri des regards pour ne pas gêner vos affaires? faites donc. Sans je vous interdirai pas de faire votre métier. Et du coup, je me lève. Et on va quitter la pièce. Sauf si j'ai d'autres questions, mais moi je considère que c'est fait. Non, mon côté c'est ok aussi, j'en vais réfléchir, mais en vrai je vois vraiment rien de plus pour l'instant de mon côté. Vous pensez qu'il est encore en vie ? Oh, je pense qu'il est encore en vie. Et avec un coup de chance, je pense même qu'il a jamais quitté son chez lui et qu'on est juste passé à côté. Il est quelque part dans les murs. Coup de chance, ouais. Donc ce serait un véritable ami. On aurait peut-être dû fouiller un peu plus toutes ces affaires au sol, on aurait peut-être trouvé une trappe cachée. Ok, vous arrivez à convoquer manière assez discrète, si j'ai bien compris, à part si c'était juste pour assurer la dame, mais sinon vous le faites assez discrètement. Ottavio qui a tout simplement aussi une salle à lui et qui actuellement faisait... vous savez qu'il a aussi un poste du coup de professeur dans cette loge. Vous mettez à l'écart, là où il n'y aura pas d'oreille indiscrète. Et donc, je vous laisse entamer la conversation avec le... Tavio, c'est un homme assez lambda. Et vous voyez d'ailleurs même au visage que, mis à part une énorme moustache je ne sais plus le dire, putain, excusez-moi, j'ai du mal avec les mots ce soir. Une moustache très visible. Il n'y a pas de très, très marqué. C'est pas qu'elle ait un visage qui vous sera très marquant dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il... Donc, excusez-moi, dites-moi, je peux vous aider ? Oui, beaucoup. Nous venons parler... de votre dernier accrochage avec Monsieur Verneuil. Pourquoi des métropolites Affaire compliquée. Posez pas de questions. Excusez-moi. Nous posons des questions. Excusez-moi. Questions donc. Nous savons que vous êtes quitté en mauvais termes. À quel point ? Bah, je pense qu'il me déteste à mort, hein, mais moi j'ai fait que mon devoir. Je n'ai aucun regret, tout simplement. C'était un écornifleur, un usurpateur, et j'ai fait en sorte que tout le monde le sache. De quoi souffrait-il ? Eh bien, voyez-vous, il souffre de troubles, on va dire hallucinatoire chronique, je crois que c'était quelque chose comme ça, mais enfin bref, il vous sort les mêmes termes en tout cas que Claudia Jacobs. C'est, ouais. Voilà, ce n'est pas lui qui du coup ne connaît pas et en train de mentir. Non, mais je préfère préciser, du coup c'est vraiment moi qui a pu l'info sous les yeux et qui je la retrouve pas là. Mais voilà, il a il souffre de manière chronique, visiblement depuis sa plus grande jeunesse, d'hallucinations auditives et visuelles. Je vois. À quel sujet était votre accrochage, le dossier sur lequel vous... Ah oui, la petite Annie, voyez-vous, moi je pense que Annie était atteinte aussi de troubles aliénants et ce dernier, s'y étant un peu retrouvé, a décidé d'indiquer que ce n'était pas grave, que ce n'était pas une aliénation alors que lui-même en était victime, voyez-vous. Juste un triste sort de l'empathie d'un aliéné. Je vois. Vous excuserez la question, mais il faut la poser. Est-ce qu'il ne vous serait pas venu à l'idée pour redorer le blason de votre métier qui a été saillé par ce monsieur, de faire disparaître le monsieur ? Non, attendez. J'ai déjà redoré le blason de notre loge en faisant en sorte qu'il ne pratique plus ici. Moi, ma mission est faite. Et non, non, je ne noterai pas l'avis de qui que ce soit. Je ne suis pas un aliéné, moi, pour le coup, excusez-moi, mais... Vous considérez que quelqu'un qui s'attaque à la vie d'un autre est forcément un aliéné ? Oh, pas forcément, il y a de toute façon bien le contexte qui y joue, mais ce que je veux dire c'est que là, étant donné que cet homme n'a rien fait de particulier, si j'essaierais de le tuer, ça ferait de moi quelqu'un qui aurait des pulsions de violence, ce genre de choses, cela n'aurait... Donc ce n'est insensé. Tuer pour redorer un blason, que ce soit le sien ou celui d'une organisation par exemple, ça c'est aliéné ? Je ne sais pas, ça dépend du contexte. Bon, mais je pense que oui, ça dépendrait bien entendu. Enfin, on ne peut pas juger comme ça sur une généralité. Il faut... Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon cas, ça serait une aliénation. D'accord. Vous avez des étudiants zélés ? Non. Particulièrement vis-à-vis de vous ou de la profession ? Des gens qui auraient mal vécu cette affaire et qui lui en voudraient. Je pense par exemple à un groupe de trois, dont un qui serait blond. Ah oui, les fameux tel prénom, tel prénom que j'ai pas sous les yeux et que vous avez déjà rencontré. Tout à fait, mais non, non, je. Non, honnêtement, je comprendrais pas pourquoi faire tuer cette personne, pourquoi la tuer, pourquoi la faire disparaître. Ça me paraît absurde. Ça me paraît aussi très étrange. Bon, je l'indique à l'oral parce que j'ai perdu le terme. Quand il a dit faire tuer, c'est ce que je voulais dire faire disparaître et j'ai fait un lapsus parce que j'avais tué en tête. Et... Ouais. C'était pas un indice caché. Oui, ok. Mais pourquoi toutes ces questions ? Il se passe quelque chose, visiblement. C'est nous qui posons les questions. Oui, excusez-moi, c'est vrai. Veuillez m'excuser. Est-ce que ça a vraiment à faire avec, ce... avec le métier ? Et pourquoi pas ? Je nous regroupe un peu, tiens, un cercle un peu à son écart. Reste ici. Et pourquoi pas une histoire d'amour, simplement un crime passionnel. Ils vont pas penser. C'est souvent les premiers motifs des crimes. Enfin, oui. Je sais pas, elle nous a pas très parlé, cette... Était le sabbat. Oui. Elle avait l'air très gentille, très affective. C'est trop, ça cache des choses. Je sais pas, je propose. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le... pour l'aliéniste ici présent, ou est-ce qu'on le laisse ? On peut le laisser. Est-ce que ma fille où s'entendait particulièrement avec certaines personnes ici. Enfin, est-ce qu'il avait des personnes qui aimaient bien avec qui ça se passait bien ? C'est un homme... Tout le monde l'a essayé. C'est un homme plutôt réservé, plutôt dans son coin, mais les gens l'apprécient énormément de cause de sa réputation. Vous comprenez, avant l'affaire, c'était considéré comme un peu notre porte-étendard. C'était vraiment... c'est lui qui représentait le métier dans toute la ville. Donc, même s'il n'avait pas de véritable ami, tout le monde se prétendait l'être parce que voilà, il faut être à côté des puissants, même si ceux-là sont des personnes un peu dérangées. Non, il a très peu d'amis, mais ça correspond aussi à son profil. Hein. Vous savez, lorsqu'on a certains troubles, on a tendance à s'isoler, à avoir très peu de relations, ce genre de choses. Très bien. On va vous laisser. Bien, si vous voulez avoir laissé. Ok. Merci beaucoup, je suppose, et bon courage pour votre enquête. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous retrouvez donc tous les trois, de nouveau, On va revoir Saba. Oui, oui, c'est ce que j'allais proposer. Ça paraît être le plus pertinent actuellement. Malgré sa gentillesse, j'ai l'impression qu'il va falloir que sa deuxième rencontre de sa vie avec des métropolis soit un peu plus musclée. Les chaînes. Okay. Non, peut-être pas. Le mot de code. N'exagérons pas. Gentlemen. Il a un vaisseau qui capare. Ok, vous avez décidé donc de vous rendre, encore une fois, à ces baraquements. Sachant que du coup, vous arrivez déjà sur la fin de la journée, donc là, la nuit commence à tomber. Enfin, le soir, hein, vraiment, plus que la nuit, puisque la nuit, c'est vraiment quand il fait nuit, pour le coup. Mais on est dans le soir, donc le soleil, vraiment, est couchant. On peut-être une chambre d'hôtel, non, Sky, on va l'avoir demain matin. C'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas si loin, donc vous pouvez l'avoir très rapidement, mais... On va l'avoir, quoi. C'est comme vous voulez. Vous pouvez, moi, enfin, oui, c'est comme vous voulez. C'est soit demain matin, soit là dans la soirée. Je suis partisan d'y aller maintenant. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi, vu qu'on est un peu en contre la montre. Ouais. Si jamais c'est ok d'aller là voir maintenant. Ah oui, c'est totalement ok. De toute façon, enfin, on est métropolite, on fait ce qu'on veut, et puis au pire, on prendra un hôtel ou autre un peu plus tard. Ça, c'est bien vrai. Très bien. Donc je disais d'aller la voir au soleil couchant. Elle vous ouvre encore une fois, elle va s'isoler et puis tout simplement va pour discuter avec vous. Ah ben vous avez déjà des nouvelles, ça? Oui. En effet, il est malheureusement mort. Non, vous mentez. Pourquoi mentir ? Je m'excuse, je sais que le choc doit être grand, mais Mathieu Verneuil est mort un peu plus tôt dans la journée. Quoi ? Mais... Vraiment ou... Oui, malheureusement... Oui, vraiment. Plusieurs personnes... Mais c'était... Pourquoi ? Plusieurs personnes semblaient avoir mis un contrat sur sa tête. Quoi ? Mais... Pourquoi ? Je vais m'approcher d'elle, je vais faire genre c'est comme si je voulais poser une main, gentil sur son épaule, voir quelle est sa réaction. Moi je baisse les yeux comme si j'étais, enfin pas en deuil, mais en mode je respectais sa tristesse. Tu vois qu'elle laisse la main posée et commence à sangloter. J'étais... Je sais pas quoi dire, je... En plus, j'ai voulu vous aider, je... J'ai réussi à savoir où il était caché. Ça devait pas finir comme ça. Où il était caché, vous voulez dire aujourd'hui ? Oui, j'ai... J'ai été voir... Rufus et... Il me l'a dit et... Mais... Expliquez-nous, ne vous inquiétez pas, pareil, allez-y. Laissez sans tout ce que vous avez à dire, ce sera mieux. Juste, vous êtes venu me voir, alors j'ai supposé que Rufus n'était pas pour rien, et j'étais voir Rufus, et Rufus, il m'a avoué où il a caché Mathieu, et... Et je... Ça devait bien se passer, mais je l'avais dit que c'était des quartiers dangereux. Où est-ce qu'il l'avait caché ? Faut qu'on sache si c'est au même endroit où on l'a retrouvé. Au quartier. Comme vous l'a dit, plusieurs personnes. Ah, pardon, allez-y. Je ne vous coupe pas, désolé. Allez-y. Lentement et distinctement. Articulez bien. Oh. Au quartier Brun, vous savez, c'est le... C'est le... Comme... Je l'ai lu dans... récemment, le quartier... Oui, ce qu'on appelait le quartier des Micotières. Qui maintenant s'appelle le quartier Brun. Vous l'avez trouvé là-bas? C'est exact. Mais comment je... Ah si, il était venu me parler plutôt qu'à Rufus, il serait en sécurité aujourd'hui. Probablement. Tu vois qu'elle lâche, lâche quelques larmes. C'était même pas volontaire quand je l'ai dit, c'est pas faux. Dans ma tête, ça sonnait... Merde, bref. Je sais que ce n'est pas grand-chose face à la douleur que vous ressentez, mais nous allons faire en sorte que cette enquête se termine comme il faut. Que justice soit faite. C'est gentil, mais faites pas de mal à Rufus, il pensait bien faire et aider son ami, vous comprenez. Évidemment. Nous allons devoir vous laisser. Prenez du temps pour vous reposer. Merci. Au revoir. Tu vois qu'elle ne répond pas au revoir et reste sur place quand vous vous éloignez. Je vois qu'on est devenu abominable. Mais juste alors, pour me défendre, quand j'ai dit probablement... En fait, je sais pas, dans ma tête, j'étais en mode genre, je vous soutiens, en mode oui... Je sais pas quoi, vous avez raison, c'est vrai que là, pour le coup, tout ça sonnait très très chelou et très très culpabilisateur. Un peu. Mais vraiment, c'est juste la fatigue, je vais beaucoup parler cette nuit, je sais. Bref. C'est pas grave. Il est pas dans le jeu aussi, donc Esther aussi, elle est crevée. De toute façon, elle en a marre de ses enquêtes, elle est à moitié en dépression. Donc c'est quoi, elle en a pas rien à foutre. Ok. Il semblerait qu'elle était vraiment très gentille et très douce et qu'elle n'avait pas forcément besoin de mentir. C'est surprenant. Ouais, j'ai... Comme si, quoi, des fois. J'ai hésité à nous proposer qu'on la fasse, elle ou Rufus, en prenant des sous-fifres à nous. Et je pense que je noterai cette idée pour la prochaine fois parce qu'en fait, c'est... Sur le coup... Bah, vu qu'on était que trois, ça paraissait un peu compliqué de commencer à se faire suivre les suspects, mais la prochaine fois, il faudrait qu'on se prenne des petits gars à nous, pas loin, et qu'on planifie ce genre de truc, parce qu'en fait, je pense qu'on doit passer à côté d'un tas d'informations en n'ayant pas ce réflexe. Ouais. Pour les suspects qui semblent trop peu dire de choses, et on pourrait justement jouer là-dessus en leur balançant des informations assez fortes qui vont se sentir obligés d'aller communiquer avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, en tout cas, on en parlera, à la limite, c'est pas le truc, mais... Puis de son finalement, on a eu l'info qu'on voulait, donc on n'a plus qu'à se rendre au quartier Brun, mais... Exact. Au quartier... Est-ce qu'on va voir Rufus, ou est-ce qu'on va voir directement là où le monsieur est caché? Parce qu'on peut quand même directement aller voir... Il me semble pas qu'elle nous ait donné l'endroit exact, donc peut-être... Je pense que oui. J'ai peut-être pas entendu... Bah, c'est... En fait, c'est parce que le quartier, c'est un faux nom. En fait, c'est vraiment une espèce de place qui s'appelle le quartier Brun, qui est tellement, en fait, vous le savez, s'appelait le quartier des Micotières, c'est comme ça, vous le connaissez. Et en fait, c'est une espèce de place dans laquelle il y a plein de dômes, en fait, qui sont des Micotières. Là, on fait pousser des champignons pour manger. Et en fait, vous savez que genre, c'est un petit endroit, c'est une espèce de place, en fait, donc s'il s'y cache, il est dans une des Micotières. Donc, bon, on peut y aller sans refus dans ce cas-là, peut-être. Ouais. Rufus, on enverra faire du temps en prison. Rufus, qu'elle va sans doute aller voir incessamment sous peu pour aller lui confier tous ses regrets et pleurer dans ses bras. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse quelque chose? On s'en fiche. D'accord. On va arriver. De toute façon, on sera sur place avant eux. Ouais. Ok. On essaie donc de descendre jusqu'au quartier Brun. Comme je viens de vous le dire, c'est vraiment en fait une espèce de place dans laquelle se trouvent en fait plein de micotières, donc ils sont en forme de dôme, donc c'est vraiment des petites bâtisses en fait en forme de dôme qui sont généralement soit en pierre, soit en terre cuite pour permettre en fait de faire pousser des champignons plutôt facilement. Généralement c'est un mélange de ce genre de choses, c'est vraiment fait pour créer des zones d'humidité dans ces espèces de zones pour en fait développer les champignons et pouvoir les manger après. Et c'est un quartier qui est délaissé, c'est pour ça qu'il a perdu son nom de quartier des Picotières, c'est devenu le quartier brun. C'est un quartier qui est de plus en plus délaissé au profit en fait des serres qui se trouvent dans la haute ville, ce genre de choses, puisque bah, ça fait plus de diversité et les riches préfèrent ça, quitte à du coup ne pas avoir d'aliments plus facilement accessibles pour les autres gens, mais ça c'est une autre question. Comme le quartier est délaissé, quand vous arrivez, déjà ça se ressent. Ça se ressent parce que c'est très vide, mais c'est pas non peuplé, puisque justement la plupart des micotières qui ont fermé sont maintenant peuplées par des mendiants. Des gens dont vous savez font partie officiellement d'une guilde, ça se voit notamment au fait que sur la tenue ils ont tous une petite peinture pour signaler leur appartenance, qui est tout simplement un cercle. Et c'est la guilde du sous-vendu, qui vous savez est une sorte de guilde des mendiants, qui est la guilde sûrement la plus acceptée communément absolument partout, puisque c'est juste des mendiants qui ont décidé de s'unir pour permettre, bah, par exemple, s'il y en a un qui a réussi à avoir beaucoup à manger et un autre non, bah, pouvoir trouver un moyen de partager ça. Donc c'est de la solidarité entre mendiants, donc c'est vraiment une guide qui est très acceptée malgré tout, parce que voilà, elle est néfaste pour absolument personne en soi. Et c'est eux qui vivent aujourd'hui dans ces micotières, dans quelques-unes, hein, y a vraiment 4-5 personnes qui y habitent, mais quand vous arrivez, il y a quand même 4-5 personnes qui sont en train de discuter entre eux, de regarder, et qui vous regardent à un air un peu suspicieux lorsque vous arrivez. Un vieil homme s'approche de vous et... excusez-moi. Vous cherchez quelque chose? Oui. Quelqu'un, mais pas de votre... Ça nous dit rien, mais bonne recherche. Si jamais vous aviez quelques sous par là, n'hésitez pas. Oui, évidemment. Je vais lui donner 2 liges même. 2 liges, hein. Ouais. Ok. lui, il va quitter la guilde aujourd'hui. Pour rappel, là en fait tu viens de donner quasiment la moitié d'un salaire d'un saisonnier, par exemple. J'en donne 2 sur les 5 que j'ai sur moi, par exemple, un truc comme ça. Ouais, tout à fait. J'imagine que je participe un peu aussi, ou pas Cornelia va payer tout de sa poche quand même. Ok. Ouais. Vous donnez tous 1 lige, ça fait 3 liges, vous donnez quasiment un salaire de saisonnier, c'est absolument génial. Vous voyez ses yeux qui s'ouvrent, il regarde ses amis, il fait... Bon, après tout, il fait pas partie de la guilde, ce n'est pas une trahison. Il est dans cette micotière-là, vous voyez, qui l'indique du doigt. Et c'est une des micotières sur laquelle il n'y a pas le fameux tracé rouge, mais qui a une grosse croix dessus. On lui a dit de ne pas s'installer là, c'est super dangereux, mais il veut rien entendre. Hein. D'accord. Oh bah je ressors 2 liges, je lui donne et je dis mon nom est Cornelia. Je sors 3 liges. Non. Ok. En vrai, du coup, on va commencer là. Et toi? Je veux quand même avoir un peu son nom pour le noter, hein, parce que voilà. Eh bien, mon nom est Valère Pandolf. Merci, Valère Pandolf. Vous allez rejoindre une certaine liste hors jeu. C'est très méta. Eh bien, merci beaucoup et sachez que vous venez sûrement nous permettre de survivre une teinte de plus. Voire même avec plus. Plaisir. Je vous aiderai sûrement un peu plus à l'avenir. Ok, tu vois qu'il a un sourire et il se dirige en fait vers les 4 autres personnes qui sont là et tu l'entends faire des... Venez, on va aller acheter à manger. Venez. Et il te salue. Ok. Ah, en plus, c'est bien parce que du coup, vous êtes totalement seul, puisque du coup, bah, partant tous chercher à manger, il vous laisse du coup le quartier. À vous seul. Le quartier. Vous vous trouvez. Ça fait. Vous vous trouvez du coup devant cette fameuse micotière. Et alors que vous vous apprêtez à rentrer dedans,